Ah, les bons combats de Street Fighter. Mais ça, c'est le fun. Ça. Et je pense que c'est parce que t'as déjà joué à Street Fighter. Un peu. OK, donc tu sais que c'est fait selon le modèle Mortal Kombat. Oui. Et je pense que ça, quand j'ai vu ça, je disais, hey, ça pourrait être ma prochaine chronique, ça, Mortal Kombat. Ah ouais, qu'est-ce que t'en penses? Quel lien incroyable, oui, j'adore ça. Ben, je regardais juste les. Parce que c'est le modèle avec les barres, enlever la vie à l'ennemi. Ouais. Je disais, ah, mais Mortal Kombat, ça serait une bonne chronique pour une prochaine. Mais ça, les petits ouais. Toasty et les finishing. Exactement. Il y en a plein là-dedans d'affaires cachées. Ah, non, je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Et des fatalities bizarres et des trucs comme ça. Plein de choses à savoir là-dessus. Ben, c'est ça. Et je pense aussi qu'il me reste. Donc, celle-là, c'est le 2 décembre, ma prochaine, et je pense qu'après ça, il me resterait le 16 décembre. Ouais. Je pourrais peut-être faire un spécial justement de secrets de Noël caché dans les jeux. Ça, il faudrait que je cherche, par exemple, s'il faut que j'en aie assez, évidemment, mais ça pourrait être une belle option pour finir ma dernière chronique pour l'année 2014. Ouais, ça va être très intéressant ça avec Samuel Girard et puis j'espère que ça continuera plus qu'en décembre. Ben, j'espère moi aussi. Voilà. Et en passant, petite parenthèse pour Megaman, s'il y a des gens qui s'intéressent, il y a une très bonne série à écouter qui est disponible uniquement sur YouTube, c'est Megaman Dies at the End. C'est le titre spoiler. De spoiler. Ben, non. c'est ça. Donc, c'est ça la série, 2 saisons. C'est tous des épisodes de quelques minutes, 3-4 minutes. Ça s'écoute très bien, c'est humoristique. Et c'est fait en mélangeant plein d'éléments de plein de jeux vidéo. Donc, une série animée qui a été faite par le groupe Machinima. Oui. Donc, c'est ça. Tu faisais les vidéos de Halo, là, rouge et bleu. Ouais, c'est en plein ça. Donc, on a fait une petite série de Megaman comme ça. Donc, s'il y a des gens qui veulent écouter, c'est très intéressant. Moi, je trouve que ça s'écoute bien. Fantastique. Oui. Et on t'écoute à Génie en Liberté les lundis matins. En plein ça, fidèle au poste. De 9h30 à 11h, les lundis ici, assez fou. Puis ben, on te retrouve dans 2 semaines pour notre chronique sur les jeux rétro. En plein ça. Samuel Girard, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On prend une pause tout en écoutant une chanson de ce qu'on a entendu en fond. C'est des remixes mélodiques, guitar rock, metal, guilty gear, rock you. C'est la chaîne YouTube. Allez voir ça sur YouTube. Cherchez Megaman Instrumental. Vous allez trouver ça très rapidement. Et c'est cette pièce-là s'appelle Megaman 9 Dr. Wily Stage 1 Guitar Rock Arrangement. On écoute ça pour se rendre à la pause et on se retrouve dans quelques instants. Mega Man Instrumental Rock Arrangement No. 1 Darkman Stage Side R. Oui, c'est super compliqué. Par l'artiste Masahiro Aoki, entre parenthèses Godspeed, du groupe Rockman. Retrouvez ça en cherchant Mega Man Instrumental sur YouTube. Ça sort, là, c'est la petite playlist avec un personnage rouge et un personnage bleu. Mega Man, bien sûr. Maintenant, tiens, première chronique par mois de l'émission, c'est Television Television. Télévision, télévision, la chronique télévisuelle du Mathieu Planchot. Et on commence au Québec, comme toujours, avec une série sur les startups sur Ici Explora. Donc, au printemps prochain, Alexandre Taillefer sera aux commandes d'une série documentaire originale sur les startups à Ici Explora. C'est la chaîne de Radio-Canada intitulée Alexandre et les conquérants. Soutenue par le fonds Bell, la série de 8 épisodes d'une heure produite par Trio Orange plongera dans le monde effervescent des startups en suivant plus spécifiquement l'évolution de 2 d'entre elles pendant une période d'environ 6 mois. Donc, Play Hybrid et Hideco. Play Hybrid est une start-up de jeux vidéo fondée entre autres par Dominique Bilodeau, qui a travaillé pendant 9 ans pour DreamWorks avant de revenir au Québec pour faire le grand saut en tant qu'entrepreneur. Fondée par Mazen Elbawab et Alexandre Feinberg, Edoco, elle est une start-up qui développe un vêtement intelligent pour sportifs qui permettra de limiter les blessures et d'améliorer la qualité de l'entraînement. Tous construits autour d'un thème spécifique comme la bonne idée, les coups durs, le réseautage. Les épisodes donneront aussi la parole à des icônes de l'innovation technologique au Québec en faisant mieux comprendre le monde des entrepreneurs tout en portant un regard unique sur l'innovation et le génie créatif. Cette série permettra d'inspirer une nouvelle génération de bâtisseurs, nous disent-ils. Le premier épisode de la série sera également en ondes à ICI Radio-Canada Télé et sur ICI RDI pour donner un petit peu de promotion croisée. Plusieurs contenus complémentaires originaux sont aussi proposés. Maintenant, toujours au Québec, le cœur a ses raisons va être diffusé sur Prise 2 enfin. Je pense que tout le monde attendait que ça vienne un jour. J'imagine qu'ils étalent leur reprise sur Prise 2 pour avoir des nouveautés une fois par saison, mais il était comme à peu près temps là, que ce classique-là arrive. Donc, le cœur a ses raisons sera de retour en ondes à compter du 4 janvier prochain à l'antenne de Prise 2, qui célébrera ainsi le 10e anniversaire de cette série culte mettant en vedette Marc Labrèche et Anne Dorval. Les deux têtes d'affiche ont remporté plusieurs distinctions pour leurs personnages évoluant dans la ville de Saint-Andrews. Marc Labrèche a obtenu le Gémeaux du meilleur premier rôle masculin comédie en 2005, 2006 et 2008, alors qu'Anne Dorval a triomphé dans la même catégorie en 2005 et 2006. La production humoristique parodiant les feuilletons américains s'appuie sur le talent de beaucoup d'autres interprètes, entre autres Pierre Brassard, Pascal Bussière, Patrice Cocro, Michel Delaurier, Sophie Fauché, Macha Grenon, Ise Guilbeault et un paquet d'autres. Voilà donc la comédie Le cœur a ses raisons qui a été diffusée à partir de 2005 à l'antenne de vous savez quel réseau, le vrai. Ces reprises à Prise 2 vont commencer le 4 janvier 2015 à 18h30 avec 2 épisodes consécutifs. Toujours une formule que j'ai détestée depuis le lancement de Prise 2, j'aime vraiment pas ça. C'est 2 épisodes par semaine, t'avances pas dans une série à rythme de 2 épisodes par semaine. C'est une fois par soir, c'est ce qu'on fait partout ailleurs, mais eux s'entêtent à faire ce principe-là. Mais bon, la chaîne qui va être en débrouillage du 15 décembre au 15 janvier pour, donc entre autres, faire la promotion de cette émission. On passe au Canada anglais où les animatrices Tanya Kim et Terry Hart sont licenciées. Tanya Kim qui a co-animé l'émission E-Talk, une émission de divertissement de potins avec Ben Mulroney pendant plus d'une décennie, fait partie des plus récentes personnes à être licenciées par Bell Media. Bell Media qui possède CTV et une flopée de canaux spécialisés a confirmé que les postes de Tanya Kim et de Terry Hart, l'animatrice sur la chaîne The Movie Network, avaient été éliminés. Les licenciements surviennent dans la foulée d'un plan dévoilé en juin par le géant médiatique. Bell Media désirait couper 120 emplois dans sa division télévisuelle en raison de pression financière au niveau de la publicité et des abonnements aux services télévisuels. En juillet, quelques 91 des 120 emplois perdus avaient été annoncés, affectant principalement les chaînes musicales Much, M3 et MTV. On en parlait à l'époque au Mathieu Planchot. Le porte-parole, Scott Anderson, a indiqué que 2 postes supplémentaires avaient été supprimés chez Bell Media, mais sûrement pas des personnalités publiques, tout ça à Ottawa. Il ajoute que 5 membres de l'équipe d'animation de Bob FM, une station de radio à Ottawa, avaient été remerciés, mais que ceux-ci allaient être remplacés. Tanya Kim a travaillé en tant que vidéaste pour Much Music, qui est maintenant Much, et a effectué des reportages sur la musique à l'émission de Chatroom diffusée sur CTV avant de se joindre à l'équipe de E-Talk en 2003. Dans la populaire émission axée sur le monde du divertissement, elle a notamment été affectée à la couverture des tapis rouges et un paquet d'autres choses comme ça. Elle a contribué aussi aux Jeux olympiques de 2010 à Vancouver. Terry Hart, de son côté, était l'animatrice de l'émission Movie Entertainment qui présentait de longues entrevues avec des célébrités et couvrait les tapis rouges. Le site internet de la chaîne indique qu'elle était la figure de proue de Movie Network pendant plus de 18 ans. Les deux animatrices, évidemment, n'ont pas commenté la nouvelle. Toujours au Canada anglais, le producteur de l'émission Q quitte l'émission. On suit encore une fois le dossier de Gian Gomeshi sur CBC, même si on n'a pas parlé tellement en détail de toute l'histoire derrière ça. Vous pouvez facilement trouver des informations là-dessus. C'est pas vraiment notre rôle de promouvoir ces choses-là. Mais le producteur de l'émission de radio Q diffusée à CBC a quitté l'émission à la suite du scandale sexuel, certains diraient, de son ancien animateur Gian Gomeshi. Arif Nourani, qui avait pris une pause de l'émission la semaine précédente, sera réaffecté à un nouveau projet. Monsieur Nourani n'a pas accordé d'entrevue, mais CBC a assuré que ses nouvelles responsabilités avaient été demandées par le producteur lui-même. Le porte-parole de CBC, Chuck Thompson, a précisé qu'il travaillerait à élaborer une émission de radio. Monsieur Thompson n'a pas fourni plus de détails sur le nouveau projet, mais a spécifié que Monsieur Nourani resterait producteur. Il s'est retrouvé lui-même dans l'eau chaude parce qu'une ancienne productrice avait dit qu'il n'avait pas agi, même s'il savait que Monsieur Gomeshi l'avait harcelé physiquement. Ça va avec le reste de l'histoire que vous pouvez vous renseigner vous-même là-dessus. Mais Monsieur Nourani a nié avoir été informé des événements. L'émission Q va rester en onde. On en parlait il y a quelques semaines de ça. On va en savoir davantage sur son remplaçant bientôt. Je crois que ça se passe même aujourd'hui. Mais bon. L'animateur Gian Gomeshi qui avait été licencié par CBC le 26 octobre dernier. Voilà. Maintenant, on va aux États-Unis. L'Opéra de la Terreur deviendra une série. La saga horrifique de Sam Raimi, L'Opéra de la Terreur, reviendra l'année prochaine sous la forme d'une série télévisée destinée à la chaîne Starz. Le héros des trois films, Bruce Campbell, reprendra à cette occasion son rôle culte de Ash. Évoqué au mois de juillet lors du Comic-Con de San Diego, la série tirée de la franchise se dévoile un peu plus. Ash Williams, personnage principal des longs métrages, sera de retour en Don Juan vieillissant qui devra faire face à un fléau mortel menaçant de détruire l'humanité. Le réalisateur du premier volet sorti en 81 et de ses deux suites dévoilées en 87 et 92, Sam Raimi mettra en scène l'épisode pilote qu'il a écrit avec l'aide de son frère Ivan. Il fera de nouveau équipe avec son ami Rob Tapert, producteur de la saga, et le duo a déjà œuvré pour la chaîne Starz sur l'émission Spartacus. Bryan Cranston et David Shore collaborent. La chaîne CBS pourrait accueillir la saison prochaine Sneaky Pete, une série confectionnée par l'ancienne vedette de Breaking Bad, le chimiste, et le créateur de Dr. House, dévoile Deadline.com. Bryan Cranston et David Shore s'unissent pour écrire et produire Sneaky Pete, l'histoire d'un détenu d'une trentaine d'années qui sortira de prison en usurpant l'identité de son compagnon de cellule afin d'échapper à la mafia et à son triste passé. Une fois dehors, il travaillera dans l'entreprise familiale et découvrira une vie de famille qu'il n'a jamais connue et croisera le véritable amour. Ce projet représente la deuxième vente au petit écran de l'ancien interprète de Walter White. Bryan Cranston prépare déjà une comédie pour NBC adaptée de Dangerous Book for Boys qui raconte les péripéties de trois garçons grandissant sans leur père. De son côté, David Shore est associé à Battle Creek, une série policière avec Josh Duhamel qu'il a développée avec l'aide de Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad. Le résultat est attendu début 2015 sur CBS. Le Bosch de Connelly s'en va lui aussi à la télé. En fait, à la télé. C'est Amazon Studios, donc pas vraiment de la télévision, mais si vous le branchez dans votre TV, la petite boîte branchée dans la TV, ça pourrait avoir l'air d'une émission de télé. Donc Amazon Studios dévoile... De toute façon, il n'y a plus vraiment de différence entre les deux. Amazon Studios dévoile une première bande-annonce de Bosch. Nouveauté attendue début 2015 sur son service en ligne d'écoute en continu. Titus Welliver y tient le rôle principal, celui de Harry Bosch, personnage né de l'imagination du romancier Michael Connelly. L'année prochaine, les internautes feront la connaissance de Bosch, une série policière à l'ambiance sombre, comme l'atteste un extrait disponible sur Internet, dont les scènes se déroulent essentiellement la nuit. Son héros, un inspecteur de police de la division homicide, poursuivra un assassin responsable de la mort d'un garçon de 13 ans, tout en étant lui-même accusé d'avoir tué de sang-froid un tueur en série. La série va compter sur la participation de Michael Connelly au scénario, épaulé par Eric Overmyer, qui a fait ses preuves sur plusieurs séries très connues et réputées. Homicide, je crois que c'est... j'ai pas les titres en anglais, j'ai ça. Homicide, New York Police Judiciaire ou encore New York Section Criminelle. Je crois que c'est des Law and Order, des La Loi et l'Ordre. Mais bon. Vu dans Argo ou dans la série Agents of S.H.I.E.L.D., Titus Welliver tiendra le rôle titre. Bosch faisait partie de la deuxième fournée de pilotes de Amazon Studios. Depuis 2013, le bras audiovisuel du marchand en ligne propose deux fois par année une multitude de pilotes et décide de transformer l'essai selon les commentaires laissés par les internautes. Retenu à ses côtés, Mozart in the Jungle avec Gael Garcia Bernal se montrera en décembre prochain. The After de Chris Carter, qu'on connaît pour X-Files aux frontières du réel, attendra également en 2015. Transparent, présenté en septembre dernier, a quant à lui déjà été reconduit pour une deuxième saison, diffusée l'année prochaine. En août dernier, Amazon Studios avait transformé l'essai pour The Cosmopolitans, l'histoire d'Américains expatriés à Paris, Red Oaks, produit par Steven Soderbergh, End of Gods, avec Ron Perlman et Dana Delany, et finalement, Really, avec Sarah Chalk et Selma Blair. Il y en a quelques autres, mais les détails sont un petit peu longs. Donc, allez voir le reste de l'article sur assemblagerequis.com. Jonathan Nolan veut s'attaquer à Asimov. Le scénariste des frères de Christopher Nolan, Jonathan, envisagerait de transposer au petit écran l'univers du romancier Isaac Asimov. Son choix se serait posé sur Fondation, une trilogie des années 50, à en croire TheWrap.com. Jonathan Nolan resterait dans le domaine de la science-fiction pour son prochain projet. Le scénariste de Interstellar, long-métrage filmé par son frère Christopher, préparait pour HBO une adaptation de Fondation, série littéraire du célèbre romancier américano-russe Isaac Asimov. Cette trilogie plonge les lecteurs 22 000 ans dans le futur, à l'heure où un trillion d'êtres humains occupent 25 millions de planètes regroupées dans l'Empire galactique. L'histoire se concentre sur Harry Seldon, un mathématicien qui a mis au point une nouvelle science capable de prédire l'avenir grâce aux mathématiques. L'homme annonce alors la chute inéluctable de l'Empire et propose la constitution d'un second Empire galactique. Si ce projet venait à se concrétiser, Jonathan Nolan poserait un deuxième pied dans l'univers télévisuel. Le scénariste est déjà à l'origine de la série de CBS Personne d'intérêt aux côtés de J.J. Abrams. Les deux hommes réitèrent d'ailleurs l'expérience pour HBO avec Westworld, série de science-fiction dans laquelle apparaîtront Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood, Teddy Newton et James Marsden. Fondation avait à un certain moment intéressé le grand écran. En 2009, Sony Pictures avait recruté Roland Emmerich pour mettre sur pied un film. Et 12 ans plus tard, le studio avait relancé le projet avec Dante Harper. Depuis, Sony avait perdu les droits d'adaptation pour le plus grand bonheur de HBO qui les a récupérés. Une série de Bruckheimer, Jerry Bruckheimer et de Michael Bay se concrétise. Encore sans titre, la série dramatique créée par Jerry Bruckheimer et Michael Bay destinée à la chaîne TNT commence à composer sa distribution. Quatre acteurs rejoignent l'aventure qui aura pour toile de fond le trafic de drogue dans le Miami des années 70. En préparation depuis des années, le projet commun de Jerry Bruckheimer et de Michael Bay s'accélère. Après un pilote commandé en septembre dernier par TNT, le drame compte désormais à son générique et la Canadienne Kristen Hager, qu'on connaît de la série Être humain, ça c'est Being Human, Kelsey Siepser, Adria Arjona, qu'on connaît de True Detective, et l'Espagnol Oscar Gineda, qu'on connaît pour Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. Kelsey Siepser incarnera Kat Wiseman, une trafiquante de marijuana impliquée dans une relation aussi passionnelle que torturée avec son associé Bobby. Ce dernier est enfermé dans un mariage sans amour avec Luann, jouée par Kristen Hager, une ancienne reine de beauté qui trouve du réconfort auprès de sa fille de 8 ans. Adria Arjona prêtera ses traits à Maria, une Colombienne et trafiquante de drogue, alors que Oscar Gineda, sûrement des prononciations vraiment mauvaises, qui lui va jouer Crimeno, un dealer de cocaïne. Développée depuis 2008, la série initialement destinée à HBO s'inspire du documentaire de Billy Corben, Cocaine Cowboys. Sorti en 2006, ce dernier retraçait le parcours de John Roberts, un dealer de drogue réputé à Miami dans les années 70. Le scénario de Michelle Ashford, créatrice de Masters of Sex, reprend juste le décor du documentaire, laissant de côté les personnages. Son histoire intéresse en revanche Hollywood à travers une adaptation grand écran menée par les studios Paramount. Peter Berg devrait y mettre en scène Mark Wahlberg. Maintenant, on passe à la télé sur Internet. Sony teste un nouveau service de télé en ligne aux États-Unis. Le géant japonais de l'électronique Sony va commencer à tester un nouveau service de télévision par Internet combinant de la vidéo à la demande et des chaînes de télévision classiques en direct. PlayStation View devrait notamment proposer environ 75 chaînes en direct. Sony dit dans un communiqué de presse avoir passé des accords en ce sens, notamment avec les grands groupes de médias américains CBS, Discovery Communications, Fox, NBC Universal et Viacom. Le service comprendra aussi de la vidéo à la demande et de rattrapage, ainsi que la possibilité de stocker automatiquement en ligne pendant 28 jours les épisodes d'une quantité illimitée de séries en cours de diffusion. Ça, c'est vraiment cool. Sony ne détaillera ses tarifs qu'au moment de lancer le lancement commercial finalement du service qui est prévu au premier trimestre de 2015. Il promet que les téléspectateurs paieront pour ce qu'ils regarderont et ils pourront souscrire au service sur une base mensuelle sans avoir à s'engager pour un contrat de longue durée. Ça, c'est fantastique. En attendant, une version bêta de PlayStation View, accessible uniquement sur invitation, va être déployée ce mois-ci à New York, puis ensuite à Chicago, Philadelphie et Los Angeles. Le service sera d'abord proposé pour les utilisateurs des consoles de jeux vidéo PlayStation 3 et PlayStation 4, puis peu de temps après sur les tablettes iPad d'Apple et plus tard encore sur d'autres appareils de Sony et de d'autres fabricants qui n'ont pas encore été identifiés. Netflix finalement s'intéresse à Elizabeth II. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, deviendra l'histoire de The Crown, série historique que Netflix lancera en 2016. Un grand nom du cinéma britannique, Peter Morgan et Stephen Daldry signeront ce drame qui débutera son récit au début des années 50. Après des mois de spéculation, Netflix officialise son projet historique en commandant une première saison de 10 épisodes. Inspirée par une pièce de théâtre nommée The Audience, la série dévoilera les coulisses de deux adresses très connues à Londres, soit Buckingham Palace et le 10 Downing Street. Intrigue et machination rythmeront le drame qui reviendra sur les plus grands événements de la seconde moitié du 20e siècle, oui. L'histoire reviendra sur la vie publique et privée de la reine Elisabeth II, à l'heure où elle est confrontée à prendre les reines, de la plus célèbre monarchie au monde, suite à la mort de son père George VI en 1952. Sa relation avec le premier ministre Winston Churchill sera également au cœur de la série. Le rôle de la reine dans ses jeunes années devrait être donné à l'actrice anglaise Claire Foy, vue dans les séries Être humain et Crossbones. The Crown verra le jour en 2016. Grâce à deux pointures du 7e art britannique, soit Peter Morgan et Stephen Daldry, comme on disait en début, donc un spécialiste des films historiques. Le premier a signé les scénarios de Sa Majesté la Reine, Le Dernier Roi d'Écosse, Frost Nixon, L'Heure de Vérité ou Deux Sœurs pour un Roi, alors que le deuxième n'est autre que le réalisateur de Billy Elliot, Les Heures, Le Liseur et Extremely Loud and, Incredibly Close. Toujours eu de la misère sur ce titre-là. Extremely Loud and Incredibly Close. Son dernier long métrage, Favelas, est sorti mercredi, le 12 novembre dernier. Merci de préciser le jour. Dans les salles françaises. OK, ben rapport. Hein? Voilà, pour les nouvelles de Télévision. Oubliez la dernière phrase. On regarde un petit peu les codes d'écoute, si ça vous intéresse, pour la semaine du 27 octobre. Moyennement intéressant, mais on va faire un petit survol rapide des positions 15 à 6 au Québec pour commencer. La poule, le berger chien noir, vlog, complexe G, les enfants de la télé, les pêcheurs, au secours de Béatrice, sur l'invitation seulement et mémoire vive. En cinquième, c'est toute la vérité. En quatrième, tout le monde en parle. Troisième, Yamaska. Deuxième, le banquier. En première, c'est Unité 9 à Radio-Canada. Du côté du Canada anglais, 15 à 6 en rafale. Person of Interest, Gotham, Bones, Blue Bloods, Two and a Half Men, The Blacklist, Once Upon a Time, Survivor San Juan, NCIS New Orleans et Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. En sixième, c'est Castle. En quatrième, NCIS. En troisième, The Flash. En deuxième, Criminal Minds. Et en première, c'est The Big Bang Theory, comme toujours, sur CTV. Voilà pour les cotes d'écoute. Et c'est tout pour Télévision. Dans quelques instants, Merci Science s'en vient. On va évidemment remercier la science d'exister. Mais avant ça, écoutons une chanson, une pièce de musique chiptune. Ça fait plusieurs semaines que j'ai envie de l'entendre. Pour vrai, elle est super bonne. C'est SoundCloud. Qu'est-ce que je fais là? C'est Animus. C'est sur SoundCloud qu'on s'en va entendre Animus avec Bears on the Fence. Oh, Mathieu Planche, chaussure, c'est fou. Le groupe SoundCloud. Cœur, hein? Il fait des millions de chansons. Toronto et Once in a While, Harmonic Branches au Mathieu Plancho. Ce qui nous amène à parler de science, voici Merci Science. C'est Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Commençons avec des chercheurs allemands qui ont développé une nouvelle façon d'assembler des pièces en matériaux composites légers grâce à une colle à l'élasticité. Un peu contrairement à ma bouche, à l'élasticité variable. Une invention qui pourrait trouver de nombreuses applications dans le secteur des transports notamment. Des chercheurs allemands du LBF, le Fraunhofer Institute for Structural Durability and Reliability LBF à Darmstadt, ont mis au point une nouvelle technique d'assemblage pour des composites légers. À l'origine de l'invention, un adhésif structurel. Quand, des mots difficiles. Pourtant, je me suis pas trompé dans Fraunhofer Institute for Structural Durability and Reliability. Donc, un adhésif structurel à élasticité variable, c'est-à-dire une colle qui assure souplesse ou rigidité selon les besoins. Pour mieux comprendre l'importance de la découverte, il faut savoir que les industriels du secteur des transports, notamment, cherchent aujourd'hui à réduire la masse des véhicules. Pour les constructeurs automobiles, par exemple, il s'agit de diminuer les émissions de CO2. Et selon l'ADEME, une réduction de masse de 100 kg équivaudrait à une réduction d'environ 8 à 10 g de CO2 par kilomètre. Peu à peu, donc, des matériaux composites remplacent les matériaux métalliques traditionnellement utilisés. Des composites d'aluminium ou de magnésium, mais aussi des plastiques à renfort fibre de carbone. Mais surtout des matériaux qui ne peuvent pas être soudés. La maîtrise des techniques d'assemblage de matériaux composites dissemblables est donc devenue un enjeu majeur pour l'industrie. Pour un ingénieur chimiste au LBF, le collage représente la meilleure des solutions. C'est pourquoi son équipe a choisi d'étudier tout particulièrement les propriétés des adhésifs dits structuraux. Comme leur nom l'indique, ils apportent à la structure même une stabilité supplémentaire. Et ces collages permettent de supporter à température ambiante des contraintes supérieures à 7 mégapascales, des contraintes aussi importantes que celles supportées par des assemblages mécano-soudés. Pendant un an et demi, les chercheurs du LBF se sont spécialement intéressés aux adhésifs structuraux qui présentent un double mécanisme de durcissement. Dans un premier temps, ces cols prennent sous l'effet de l'humidité, de la chaleur ou encore de rayonnement UV. Un nouveau stimulus permet de provoquer une seconde phase de durcissement. Les adhésifs de ce type qui existent déjà sur le marché conduisent à des assemblages d'élasticité et de rigidité constantes en tout point. Ceux développés par les équipes de LBF présentent une élasticité variable. La première phase de durcissement est déclenchée par la chaleur. Elle apporte au produit, une souplesse et une flexibilité. La seconde phase résulte d'une exposition au UV, une exposition qui peut être limitée à un segment spécifique de l'assemblage. Sous l'effet des rayons UV, les chaînes polymères présentes dans l'adhésif réticule, elles se lient pour former un réseau, mais uniquement à cet endroit précisément là. On observe alors la création localement d'une zone présentant une plus grande rigidité. La méthode a permis aux chercheurs de créer un plastique collé moitié dur, moitié souple. Grâce au gradient de rigidité obtenu avec la colle mise au point par les équipes de LBF, la tenue des assemblages est significativement prolongée. L'adhésif peut en effet être rendu élastique sur ses bords extérieurs, de quoi mieux absorber les pics de contraintes que l'on observe traditionnellement à cet endroit sur les assemblages de pièces pour automobiles. Le centre de la couche adhésive est quant à lui beaucoup plus rigide. Il assure ainsi la stabilité structurelle de l'ensemble. C'est parfait, ça. C'est génial. La sensation d'une présence invisible a été reproduite dans le cadre d'une expérience scientifique. Cette impression émanerait d'une altération des signes cérébraux dits sensimoteurs. Cette meilleure compréhension du phénomène ouvre des pistes de soins aux patients atteints de troubles neurologiques ou psychiatriques et souffrant de ce genre d'expérience. L'expérience fantomatique est passée au crible des scientifiques et rationalisée. Des chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, l'EPFL en Suisse, ont effectivement réussi à recréer en laboratoire la sensation d'une présence invisible sur une douzaine de volontaires. Ces derniers sont invités, les yeux bandés, à mouvoir devant eux leur index encapsulé dans un manchon relié à un robot. L'ordinateur reproduit tout d'abord à l'identique les gestes du sujet humain de telle sorte qu'un bras informatique lui touche le dos de façon synchronisée. La sensation ressentie est de se toucher soi-même dans le dos. Pour le cerveau, donc, il y a un conflit spatial. Le directeur du centre de neuroprothèse de l'EPFL et auteur principal de l'article paru dans Current Biology dit, je cite, « Un mouvement effectué devant soi ne doit pas se traduire par une sensation dans le dos, mais ce conflit, il le résout. Dans un second temps, les mouvements reproduits artificiellement sont légèrement désynchronisés, de sorte que le dos du sujet est titillé avec une demi-seconde de retard par rapport à sa propre gestuelle. Cette fois-ci, plusieurs témoignent de l'impression d'être touché par une ou plusieurs autres personnes à des degrés divers de gêne, allant jusqu'à demander l'arrêt de l'expérience. Rapidement, ils ne ressentent alors plus rien d'étrange. Pour les chercheurs, ces résultats s'expliquent par une perturbation du mécanisme de perception spatio-temporelle des individus. Donc, elles génèrent alors une difficulté à conjuguer différents sens pour établir une perception cohérente et unitaire de leur propre corps. Le cerveau possède plusieurs représentations du corps humain. En temps normal, il les rassemble en une perception unitaire de chaque individu. Mais en ce cas de dysfonctionnement, une deuxième représentation de notre corps est parfois induite et n'est pas ressentie comme un moi, mais comme quelqu'un d'autre, comme une présence finalement. Pour savoir quelle partie du cerveau fonctionne mal, les chercheurs se sont penchés sur celui de 12 épileptiques. Ces patients ont le profil avec ceux atteints de schizophrénie ou de fortes migraines pour vivre de telles expériences fantomatiques. L'imagerie à résonance magnétique a montré des lésions encéphaliques dans trois régions impliquées dans la conscience de soi, le mouvement et la position, à savoir les cortex insulaires, pariétofrontal et temporopariétal. Ces lésions pourraient donc être responsables de ce type d'illusion. Les chercheurs envisagent à présent d'adapter leur robot chatouilleur pour aider ces patients à se libérer de sensations de présence en corrigeant certaines discordances qu'ils subiraient. Eh ben, que dire de plus? Des micro-robots qui voyagent dans notre corps pour le soigner. On se croirait dans une émission pour enfants, c'était quoi, le bus magique? En Allemagne, des chercheurs de l'Institut Max Planck ont réussi à créer un micro-robot à l'échelle du micron, doté d'un système de propulsion inspiré du pétoncle. À l'avenir, il pourrait circuler dans les fluides corporels pour aller délivrer un traitement médical ciblé ou faire de la thérapie génique. Si Google veut mettre au point une pilule capable d'aider à détecter les prémices du cancer, on en parlait il y a quelques mois de ça au Mathieu Planchot, des chercheurs de l'Institut Max Planck de Stuttgart, en Allemagne, envisagent carrément d'envoyer un mini sous-marin naviguer dans le corps humain pour le soigner. Une idée finalement pas si nouvelle, mais on se rappelle le film de science-fiction Le Voyage Fantastique dans les années 60. Il y avait l'aventure intérieure en 87, etc. Mais le projet du groupe de recherche sur les systèmes micro, nano et moléculaires de l'Institut Max Planck a pour objectif de concevoir un micro-robot qui puisse être injecté dans les fluides corporels, voire même dans des cellules individuelles et s'y déplacer par ses propres moyens afin de diffuser un traitement médical ou de faire de la thérapie génique. Une solution qui permettrait dans certains cas d'éviter un acte chirurgical ou de le rendre moins invasif. L'équipe de chercheurs, qui comprend également des scientifiques de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, on vient juste de parler d'eux, de l'Institut israélien de technologie et de l'Institut de mathématiques appliquées de Dortmund, ils ont ensemble publié un article dans la revue Nature Communications. On y apprend que pour concevoir leur micro-robot, les scientifiques se sont une fois de plus inspirés de la nature et plus particulièrement d'un pétoncle. Le micro-robot qui mesure 800 microns est composé de deux coques qui s'ouvrent et se ferment grâce à des charnières ferromagnétiques activées par un champ magnétique externe. Ce micro sous-marin pourrait ainsi nager dans les fluides corporels comme le sang, circuler dans le système lymphatique ou même naviguer à la surface de l'œil. Si le concept paraît simple sur papier, les chercheurs expliquent qu'il leur a fallu élaborer un système de propulsion adapté à la viscosité des fluides. La coque du micro-robot est à peine plus grande que l'épaisseur d'un cheveu humain, explique le professeur qui pilote ce projet. Pour ces engins, un liquide tel que l'eau est presque aussi visqueux que du miel ou du goudron pour nous. Autrement dit, les mouvements symétriques d'ouverture et fermeture des deux coques n'étaient pas en mesure de produire une propulsion suffisante face à la friction de ces fluides. Il a fallu jouer sur la vitesse du mouvement en le désynchronisant de telle sorte que les coques s'ouvrent plus vite qu'elles ne se referment. C'est la première fois qu'un dispositif artificiel de cette taille a été en mesure de se déplacer à travers les fluides, au moyen de cycles de mouvements symétriques. Les chercheurs ont également découvert que le système de propulsion pourrait être activé par des changements de température. Ils vont désormais poursuivre leurs travaux en multipliant les essais avec différents types de fluides, notamment le liquide synovial. À terme, l'objectif est que leur micro-robot puisse un jour naviguer aussi bien dans le sang que l'humeur vitrée de l'œil ou les membranes muqueuses. Mais ils admettent avec humilité, je cite, « Il y a encore du chemin à parcourir avant que les traitements tels que ceux décrits dans le Voyage fantastique deviennent une réalité. » Et pour terminer notre bloc Merci Science, contrôler les gènes par la pensée, c'est possible. Des chercheurs suisses ont développé une méthode permettant à des ondes cérébrales de contrôler l'expression d'un gène en protéines. Dans l'avenir, un implant commandé par la pensée pourrait aider à traiter certaines pathologies. Ça ressemble à de la science-fiction. Chaque article commence comme ça sur Futura Science. Ça ressemble à de la science-fiction, mais les chercheurs de Bâle, en Suisse, ont développé une technique permettant à des ondes cérébrales de contrôler l'expression de gènes. Martin Fussenegger, qui a mené ses travaux présentés dans Nature Communications, explique, je cite, « Pour la première fois, nous avons été capables d'exploiter les ondes cérébrales humaines, de les transférer sans fil à un réseau génétique et de contrôler l'expression de gènes en fonction de type de pensée. Être capable de contrôler l'expression de gènes par le pouvoir de la pensée est un rêve que nous poursuivons depuis plus d'une décennie. Ce dispositif innovant comprend un casque à électroencéphalogramme. Les ondes cérébrales enregistrées sont analysées et transmises par un système sans fil à une interface qui contrôle un générateur produisant un champ magnétique. Ça fournit un courant d'induction à un implant qui contient une lampe à lumière LED qui émet de la lumière dans le proche infrarouge. C'est beaucoup, beaucoup d'étapes. Le rayonnement infrarouge n'est généralement pas nocif aux cellules et peut pénétrer profondément dans les tissus. Cette technologie utilise donc l'optogénétique, qui est une méthode par laquelle des cellules modifiées génétiquement sont sensibles à la lumière. En effet, lorsque la LED s'allume, elle éclaire une chambre de culture contenant des cellules génétiquement modifiées qui peuvent produire la protéine désirée. Donc ici, c'est la phosphate alkaline secreted phosphatase, qui diffuse à travers une membrane semi-perméable pour se retrouver dans le sang de la souris qui porte l'implant. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi compliqué. Pour savoir si ce dispositif permet aux activités cérébrales de programmer l'expression du gène dans les cellules, les chercheurs ont voulu connaître la quantité de protéines libérées selon l'état mental du sujet, parmi trois possibles. Donc, le rétrocontrôle biologique, qu'on appelle le biofeedback, la méditation et la concentration. Pour tester l'état de concentration, les volontaires jouaient à Minecraft sur un ordinateur. On sentait que c'était un méchant bon test. Ça séduisait les valeurs moyennes du SEAP, dont on parlait, c'est l'affaire long tantôt, dans le sang des souris qui portaient l'implant. Lorsque les sujets étaient détendus, donc en méditation, il y avait de très hautes valeurs de SEAP dans le sang des souris. Pour la situation de biofeedback, les sujets observaient la lumière LED de l'implant dans le corps de la souris et devaient, par un simple exercice de la volonté, éteindre ou allumer la lumière par rétrocontrôle visuel. Ça conduisait à des variations du SEAP. Les différents états mentaux induisaient donc à des quantités variables de SEAP produites par les cellules, et le système fonctionne à la fois avec une culture cellulaire humaine et dans un système homme-souris. On espère qu'un implant contrôlé par la pensée pourrait un jour aider à lutter contre les maladies neurologiques comme les maux de tête chroniques et l'épilepsie en détectant des ondes cérébrales spécifiques à un stade précoce. Donc, il serait possible de stimuler la production d'agents thérapeutiques dans l'implant. Dans le futur, les patients pourraient apprendre à générer certains états mentaux pour que les implants produisent des médicaments en temps réel. Wow, n'est-ce pas? Wow, ouais. Voilà, donc merci, science, d'exister. Tu nous as mis au courant de plein de choses et tu nous as fait vivre un paquet de mots trop longs. Et voilà, c'est tout pour Merci Science. On va faire tantôt le segment Geek CNX. C'est la prochaine étape de notre dur périple qu'on appelle le Mathieu Plante Show. On va continuer avec une chanson de J-Red qui s'appelle Technicolor Street. Je suis certain que ça va être enlevant pour tous. Donc, J-Red, tout de suite au Mathieu Plante Show. Au 89.1 FM. Oh, ce début de chanson me dit quelque chose. J'ai entendu comme 3-4 millions de fois la semaine passée. Lave-le au complet. L'artiste J-Red et Technicolor Street featuring Groovemaster 303. C'est une pièce qu'on avait de la difficulté à jouer hier, la semaine passée. Puis là, je suis bien content de l'entendre au complet parce que je la trouve très bonne. Maintenant, c'est le segment Geek CNX. CNX, c'est la chronique dans laquelle on résume les 7 derniers jours dans le domaine de la science, des technologies. En fait, ben, tout ce qui n'est pas science et médecine, comme dans Merci Science, c'est plus ordinateur, jeux vidéo, ces trucs-là. Donc, commençons avec Microsoft qui développe une oreillette connectée pour les non-voyants. Pour aider les personnes non-voyantes à pouvoir se déplacer plus facilement, Microsoft a créé une oreillette qui guide l'utilisateur en émettant un son spatialisé diffusé par conduction osseuse. Connecté à un smartphone qui lui-même communique avec un réseau de balises disséminées sur le parcours, l'oreillette ambitionne de remplacer la traditionnelle canne blanche. Google n'est pas le seul à s'intéresser au marché de la santé et du mieux-être. Un autre géant du secteur high-tech, donc Microsoft, veut améliorer le quotidien des personnes non-voyantes grâce à une paire d'oreillettes connectées. Elles utilisent le principe de la conduction osseuse ou ostéophonie pour transmettre les sons spatialisés qui vont guider le marcheur tout au long de son parcours. L'appareil est connecté à un téléphone intelligent Windows Phone, évidemment. qui communique avec un réseau de balises sans fil Bluetooth et Wi-Fi installé tout au long de l'itinéraire. Pour guider la personne, l'oreillette émet en permanence un son spécifique pour lui indiquer qu'elle se dirige dans la bonne direction, un genre de chaud-froid. Si elle tourne la tête ou change de chemin, le son s'arrête pour l'avertir qu'elle fait fausse route. En su du signal ostéophonique, le système est agrémenté d'une voix de synthèse, un genre de Siri ou une voix robotisée, qui délivre des informations plus élaborées, un peu comme un GPS finalement, en servant des informations des balises. Donc, il y a le GPS, il y a l'horaire de transport en commun, proximité de certains commerces, sûrement de la publicité peut-être. Une vidéo publiée par Microsoft sur YouTube explique le fonctionnement de ces écouteurs pour aveugles. Donc, vous pouvez aller voir ça sur... sur assemblagerequis.com, bien sûr. L'ostéophonie a l'avantage de garder les oreilles dégagées, de sorte que la personne peut aussi entendre les bruits et les sons ambiants. Moi, c'est ce que je préfère, même avec des écouteurs juste pour la radio ici. J'aime pouvoir entendre si quelqu'un me fait « Hey! » Genre, tu sais, quelque chose, un bruit. Je veux pas être pris en vis entre mes deux écouteurs comme sur un établi, tu sais. Les deux platines qui assurent la conduction osseuse viennent se plaquer sur les pommettes juste au niveau des canaux de l'oreille interne. Il y a des écouteurs pour la musique qui sont faits comme ça, qui fonctionnent par les os. J'ai jamais essayé ça, mais ça m'intéresse vraiment de le faire. J'ai vu des critiques, ça avait l'air quand même assez avancé comme technologie. Pour calibrer l'oreillette, Microsoft se sert de son capteur Kinect. Là, c'est vraiment de la convergence des médias de Microsoft qui va scanner la tête de la personne afin de localiser précisément la position des canaux auditifs. Ça permet au logiciel de pouvoir simuler une spatialisation des sons qui varient selon les mouvements de la tête. Microsoft travaille depuis 2 ans sur ce système-là en collaboration avec l'association caritative britannique Guide Dogs, leur Mira, si on veut. Les oreillettes ont été testées par 8 personnes non-voyantes qui ont toutes déclaré avoir ressenti une plus grande confiance lors de leur déplacement. C'est, j'imagine, quelque chose de bon à avoir, là, un petit peu confiance en soi, confiance en le système, si on veut, qui va vous mener à bon port. Parmi ses volontaires figure la romancière britannique Jennifer Warnick qui relate son expérience sur son blog, ça s'appelle Independence Day, donc publié par Microsoft. Il ne s'agit pas pour le moment que d'un, il s'agit en fait pour le moment que d'un test de pilote et les conditions pour un déploiement à grande échelle sont assez contraignantes. Il faudra en effet pouvoir créer un réseau de balises Bluetooth et Wi-Fi suffisamment dense pour que les usagers puissent se déplacer aisément dans une zone donnée. Ces balises coûtent entre, je dirais, une 30-40 de dollars chaque. Et leurs batteries doivent être changées une fois par année. Microsoft évoque une utilisation élargie aux personnes valides qui pourraient, par exemple, s'en servir lorsqu'elles visitent une ville inconnue, je dirais même peut-être un musée, et doivent emprunter des transports publics. C'est peut-être un bon moyen d'inciter des municipalités et des commerçants à jouer le jeu. C'est sûr qu'il faudrait que ce soit disponible pour le plus de gens possible, sinon ce ne sera pas super rentable pour les compagnies derrière tout ça. Au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, une équipe travaille sur des matériaux programmables capables de changer de forme sous l'effet de la température ou de l'eau. Grâce à des procédés techniques simples, le bois, le carbone ou encore le textile pourraient servir à fabriquer des objets susceptibles de s'auto-assembler. Les pièces pourraient également se déformer pour s'adapter aux conditions environnantes. Des meubles en kit capables de s'auto-assembler, des vêtements qui se transforment en fonction de la météo, des éléments de carrosserie automobile qui s'adaptent selon la vitesse. Voilà ce que promettent les matériaux programmables du MIT au Self-Assembly Lab. Une équipe de chercheurs amenée par le professeur Skyler Tibbetts a trouvé le moyen de programmer des matériaux comme le carbone, le bois, le plastique et le textile pour qu'ils changent de forme, d'apparence ou de fonction au contact de l'eau ou selon la température. Ils ont à leur actif plusieurs réalisations convaincantes, comme un éléphant en kit fait de planchettes de bois qui s'auto-assemblent lorsqu'elles sont exposées à l'humidité. Évidemment. Citons encore cet aileron arrière en fibre de carbone pour voitures de sport qui est capable d'optimiser l'aérodynamique en changeant de forme sous l'effet de la chaleur provoquée par la friction de l'air à grande vitesse. Une technologie qui pourrait aussi s'avérer pertinente dans l'aéronautique pour la conception de certaines pièces. On dit que c'est facile à assembler, capable d'être expédié à plat depuis, à plat et puis de s'auto-assembler. Voilà. Le principal intérêt de cette innovation est effectivement qu'elle s'appuie sur des matériaux classiques et peu complexes, ce qui permet d'envisager une mise en œuvre à l'échelle industrielle. Des chercheurs du MIT parlent d'impression en 4D. C'est tellement accrocheur comme nom. La quatrième dimension étant ce qu'ils appellent le dynamisme conféré aux matériaux. Le procédé repose sur des outils de fabrication simples. Dans le cas du bois, il s'agit d'une imprimante 3D de type FDM, donc modelage par dépôt de matière en fusion, qui utilise un fil plastique agrémenté de fibres de bois. C'est le motif d'impression qui détermine la manière dont le matériau va réagir une fois qu'il sera humidifié, comme on peut le voir dans un exemple sur... Dans un exemple? Un exemple, voyons. sur Vimeo. sur assemblagerequis.com, bien sûr. Pour les projets basés sur le carbone, la fabrication commence avec un rouleau de fibre de carbone standard, puis un matériau mis au point par MIT et déposé sur la trame avec un portique d'usinage CNC. Des termes que c'est normal que vous ne connaissiez pas. Parce que je ne les connais pas non plus. Lorsque la fibre de carbone est exposée à la chaleur, le matériau en question change de forme et entraîne une déformation de la feuille selon la trame qui a été dessinée. Et c'est ça l'important. Si le meuble IKEA qui s'assemble après avoir été aspergé d'eau n'est peut-être pas pour tout de suite, ce concept de matériaux programmables est tout de même très prometteur. De grandes entreprises comme Airbus, Autodesk, Carbitex et Briggs Automotive ont décidé d'expérimenter cette technique et financent les travaux du Self-Assembly Lab du MIT. Les chercheurs de l'Université nord-américaine du Maryland ont réussi à atteindre un niveau de miniaturisation inédit pour la conception d'une batterie. Sa structure repose sur une feuille en céramique de la taille d'un timbre-poste percée de millions de trous microscopiques appelés des nanopores. Ça me fait penser à des minuscules petits cochons, des nanopores, mais c'est pas ça. Le premier prototype se recharge en une dizaine de minutes et supporte d'ores et déjà plusieurs milliers de cycles de charge. Comment créer des batteries capables d'alimenter des appareils électroniques toujours plus petits? Cette problématique alimente les travaux de bon nombre de centres de recherche et de développement et laboratoires universitaires à travers le monde. J'ai l'impression qu'on en parle à chaque semaine. Qu'il s'agisse d'objets connectés, de vêtements intelligents, de capteurs biométriques ou médicaux, comme celui sur lequel planche Google, le système d'alimentation reste l'un des principaux écueils techniques. La batterie format timbre, créée par l'Université du Maryland aux États-Unis, offre une piste prometteuse. Des chercheurs du Nano Center ont en effet mis au point une structure qui incorpore tous les composants d'une batterie sur une feuille de céramique pas plus grande qu'un timbre. Dans un article de la revue Nature Nanotechnology, ils expliquent que le principe repose sur des nanopores. Il s'agit en fait de millions de trous microscopiques dont le diamètre est de 80 000 fois plus petit qu'un cheveu humain. Wow! Ces trous contiennent une solution électrolytique avec une anode et une cathode située à chaque extrémité. Les nanopores sont collectés entre eux en parallèle, ce qui leur permet de stocker et de restituer l'énergie à l'unisson. Le premier prototype fonctionnel se recharge en 12 minutes et peut supporter plusieurs milliers de charges. Ce projet de recherche est financé par le département américain de l'énergie. On peut se demander quand les premières batteries de ce type seront commercialisées. Eh bien, les chercheurs du Nano Center restent assez vagues en expliquant qu'il s'agit pour le moment d'un concept, mais ils affirment avoir identifié les évolutions à intégrer afin de rendre la prochaine version 10 fois plus puissante. L'autre impératif est de concevoir un processus de fabrication qui s'accorde avec une production de masse. Et là encore, aucune échéance n'est malheureusement précisée. Mais « cool » est le mot que j'utiliserai après cette nouvelle. Maintenant, une technologie pour démêler le vrai du faux. Une simple photographie en très gros plan d'une partie d'un objet et immédiatement le téléphone dit s'il est authentique ou non. Et bien, c'est la technologie présentée par le groupe japonais NEC qui imagine des utilisations professionnelles multiples, pas seulement pour démêler le vrai du faux. NEC qui revendique une expérience d'un demi-siècle de recherche dans le domaine de la reconnaissance de caractère puis des empreintes digitales et de la différenciation des visages a cherché à répondre aux besoins croissants des entreprises pour gérer de grandes quantités d'objets produits en série ou pour reconnaître une pièce contrefaite. La nouvelle technologie présentée permet d'identifier et authentifier un objet dont l'empreinte matérielle a été préalablement enregistrée dans une base de données. Cette empreinte est unique car la technologie de NEC va regarder très précisément les irrégularités du relief, fussent-elles minimes, à la surface d'une partie déterminée du dit objet. Hey, ça parle-tu bien, hein? Je cite, dans le contexte actuel de fabrication en masse de pièces et d'utilisation multiple dans d'importantes séries de produits, il est important de pouvoir authentifier chacune d'elles et de reconnaître celles qui ont été signalées comme pouvant avoir un défaut, explique un responsable du NEC. Un téléphone doté d'une lentille macro suffit pour voir ce que l'œil humain ne saurait différencier. La technologie peut par exemple permettre à un garagiste qui voit revenir un véhicule de contrôler rapidement que les boulons et autres éléments sont bien ceux d'origine et non pas des pièces qui ont été signalées comme... ou qu'il n'y a pas de pièces vissillées signalées comme telles par le constructeur. Ça permet aussi à la manière d'un code-barre de traçabilité de retrouver tout l'historique et le parcours d'un produit dans un serveur dédié interrogé par le téléphone servant à prendre la photo. Une autre utilisation possible est la détection d'un faux en constatant que son empreinte n'est pas enregistrée dans la base de données du fabricant. Clairement, donc, ça a été changé, peut-être même par la personne qui est propriétaire de la voiture, et donc ce serait plus sur la garantie parce que ça a été changé. Les services des douanes pourraient ainsi employer cette technologie qui ne fonctionne qu'en photographiant une partie de l'objet précisément défini au préalable pour trouver des contrefaçons ou la police pour un objet volé. En gardant secret l'emplacement précis à photographier, les fabricants pourraient déjouer les tentatives de reproduction, ou de destruction de la partie prouvant que l'objet est une copie ou a été dérobé. Ces fonctions font actuellement l'objet de tests poussés avec divers partenaires et la technologie devrait être commercialement disponible pour les entreprises dans le courant de la prochaine année. Un thermostat connecté pour les plaintes électriques. Ça, c'est un article du Soleil, juste en passant. Les économies d'énergie passent par les habitudes. Toutefois, la technologie avec les thermostats connectés, ou dit intelligents, permet d'optimiser les dépenses pour le chauffage qui compte pour 54 % de la facture au Québec. Le produit québécois Caléo pour les plaintes électriques arrive sur le marché. La technologie fait un nouveau pas dans l'économie d'énergie avec les thermostats dits intelligents pour contrôler le chauffage avec un premier appareil conçu au Québec pour les plaintes électriques. Tout le monde a entendu parler des fameux thermostats Nest, compagnie que Google a racheté il y a quelques mois. Le petit nouveau Caléo se pointe avec l'intention de bouleverser le marché. Les produits Nest sont parfaits pour un chauffage central à air pulsé, donc électricité ou mazout, et les thermopompes en chauffage et en climatisation. Toutefois, ils ne fonctionnent pas avec les plaintes électriques. Ils peuvent uniquement remplacer un thermostat du type bas voltage. Chose étonnante, ce ne sont pas les grandes compagnies internationales qui ont mis au point le thermostat connecté Caléo pour les plaintes électriques. Est-ce qu'on peut répéter plus de fois que c'est québécois? Ce sont des Québécois. Ils ont fondé l'entreprise Casa en 2013 dans la région de Montréal. Donc, Martin Fassier, Patrick Pépin, les cofondateurs, et leur nouvel associé, Louis-Pierre Morin. La plainte électrique, c'est le type de chauffage le plus commun dans les maisons et les appartements du Québec. Ils sont choisis dans 80 % des nouvelles habitations depuis plusieurs années, selon les statistiques de l'Association de l'efficacité énergétique. La raison, c'est que l'investissement de départ est moins élevé que pour les autres formes de chauffage. Au total, les plaintes électriques compteraient pour 60 % des installations de chauffage dans la province. L'équipe de Casa a mis 3 ans de travail pour mettre au point son thermostat Caléo pour les plaintes. Ils se branchent sur le réseau Wi-Fi de la maison. Les thermostats communiquent entre eux, analysent la température et le taux d'humidité, même la consommation d'électricité en temps réel. Tout ça fournit aux propriétaires des informations pertinentes sur ce qui se passe dans la maison pour mieux gérer les dépenses de chauffage. Les détails sont disponibles sur l'article sur assemblagerequis.com. Le prix de départ est de 149 $ l'unité. Ça va varier selon la quantité. Et leur site web est casaconnect.com, casaconnect.com, pour plus d'informations sur cela. Voilà. Un robot artiste capable de dessiner comme nous, les humains. En fait, nous, je m'inclus pas là-dedans parce que je suis pas très bon en dessin. Mais donc, dans un futur pas si lointain, les robots parcourent la Terre. Imaginez-vous ça. Mais plutôt que de travailler, construire des structures ou de suivre des ordres, cette espèce en particulier est capable de créer de l'art de façon tout à fait autonome. Oui, un jour, les robots pourront peut-être dessiner mieux que nous. Oui. Donc, c'est Paul Nine. Paul IX en chiffres romains, un robot capable d'esquisser une nature morte mieux que votre professeur d'art plastique, nous dit le Huffington Post. Le talentueux Android est la création de l'artiste et scientifique français Patrick Tresset, qui crée des robots possédant des talents créatifs similaires depuis 2011. Il essaie de créer un équilibre entre les attributs de la robotique traditionnelle comme la vision, l'intelligence artificielle et l'informatique cognitive et des qualités plus humaines comme notre capacité à interagir avec l'art. Après avoir consulté critiques, conservateurs et artistes, Patrick Tresset a calculé approximativement comment l'être humain percevait l'art. Pour ses recherches, il a conçu un être automatisé capable d'interpréter le monde qui l'entoure et de tenter de le représenter par l'entremise d'un geste artistique. Patrick Tresset spécifie que son but est de créer un système dont les esquisses auraient le même impact sur le spectateur qu'une œuvre créée à partir d'une main humaine. Le robot ne doit pas forcément être capable de dessiner exactement comme l'homme le ferait. L'emphase, on dit l'accent français, excuse-moi, Huffington Post, l'accent est mis avant tout sur l'effet produit par l'œuvre sur le spectateur, sur les questions qu'il peut potentiellement engendrer sur la condition humaine et la création. Pourquoi s'engager dans un effort aussi épuisant? Le projet a débuté après une période particulièrement ardue, marquée par le syndrome de la toile blanche, nous dit-il. Eh bien, allez voir le reste des détails sur assemblagerequis.com. Il y a aussi une petite vidéo de Paul Neuf, le vaniteux. Des ballerines connectées transforment les pas de danse en dessin. Maintenant, on reste dans le domaine du dessin. Garder une trace de pas et des pas et des pointes réalisées par une danseuse de ballet. Le projet Electronic Traces mêle danse, grâce et technologie et pourrait même aider à mémoriser des chorégraphies. E-Traces Memories of Dance est un projet de la designer espagnole Licia Trubat. Il se base sur des ballerines connectées, donc ces chaussons utilisées par les danseuses de ballet sont équipées de microcontrôleurs Lilipad Arduino, un système à source libre destiné à rendre les vêtements connectés. Les capteurs enregistrent la pression et les différents mouvements des pieds lorsqu'ils touchent le sol et suit également leur évolution en l'air. Du talon à la pointe, rien n'échappe à la mesure qui est ensuite retranscrite dans une application dédiée sous la forme de traces numériques. Il est possible de lire et d'interpréter les données. Les pas et mouvements forment des lignes harmonieuses et Lesia Troubat. J'ai l'impression d'avoir 12 ans quand je lis ça. Imagine plusieurs usages à son système. Ce dernier pourrait être utilisé dans les cours de danse pour mémoriser une chorégraphie ou visualiser les mouvements à effectuer. Mais il pourrait également être mis en avant dans des spectacles pour présenter les pas sous une toute autre dimension et ce, en temps réel. Il y a une vidéo de présentation du projet qui illustre assez bien cette idée-là sur le morceau Crystallize de Lindsey Stirling. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. Mais Electronic Traces est une démonstration originale de ce que peut donner la rencontre entre la danse classique et la technologie, deux mondes bien éloignés, tout du moins en apparence. C'est un article de Cubic Mag. Des chercheurs de l'Université d'État de la Caroline du Nord ont développé un procédé capable de contrôler l'insecte par le biais d'un circuit raccordé à son cerveau, imaginez-vous donc. Le dispositif est également capable de localiser des sons. La conjonction de ces deux facultés permet au cafard de se diriger automatiquement vers la source d'un bruit et plus particulièrement de voix humaines. Le cafard fait probablement partie des insectes les plus répugnants et lorsqu'on en aperçoit un dans sa cuisine, on fait généralement ce qu'il faut pour s'en débarrasser. Pourtant, un jour, un cafard cyborg pourrait bien vous sauver la vie en cas de catastrophe naturelle. Un micro-circuit intégré placé à l'arrière du cafard qui est décrit comme étant un sac à dos électronique intègre un micro combiné à un dispositif de contrôle cérébral. Lorsque les sons sont repérés, l'insecte se dirige vers la source d'émission. Les tâches sont divisées en deux catégories d'insectes distinctes. Les premiers agissent comme des détecteurs de sons et les autres suivent la direction depuis l'insecte qui a détecté le son. Les chercheurs pensent que les écroulements du bâtiment pourraient constituer un cas de figure idéal pour déployer ces sortes de cafards Saint-Bernard. Dans ce genre de situation, la petite taille de l'insecte lui permettra de se faufiler au milieu des gravats pour repérer les victimes et, le cas échéant, envoyer un signal aux secouristes. Hein? C'est pas le fun, ça? C'est vraiment le fun. La vidéo de démonstration d'une trentaine de secondes sur assemblagerequis.com. Nvidia, qui recrée les premiers pas de l'homme sur la Lune pour prouver leur authenticité. La mission Apollo 11 et les premiers pas de l'homme sur la Lune le 20 juillet 1969 ont toujours fait l'objet de controverses. Les amateurs de la théorie du complot clament depuis plus de 40 ans que les vidéos de l'événement sont une supercherie. Mais c'était sans compter sur Nvidia, oui, la compagnie de cartes vidéo sur ordinateur, qui a décidé de recréer la scène en images de synthèse pour prouver son authenticité. Excusez-moi, je saute un petit peu plus loin dans le texte, il y a des détails tellement pas intéressants. Une théorie, donc, crédible pour certains, qui pointe du doigt des éléments difficiles à expliquer. Donc, la théorie du complot. Notamment, une source de lumière impossible à identifier sur la photographie représentant Buzz Aldrin en train de descendre de l'échelle de l'alunisseur. Mais c'est justement l'un des points que Nvidia a voulu expliquer en reconstituant la célèbre photo. Nvidia a utilisé le moteur Unreal Engine 4 pour reconstituer l'alunissage et en utilisant l'une de ses dernières cartes graphiques, la GTX 980 sous architecture Maxwell, pardonnez-moi, ainsi que sa technologie Voxel Global Illumination. Cette dernière permet de reconstituer très fidèlement la lumière d'une scène sans éclairage direct, c'est-à-dire en se basant sur les différents reflets qui illuminent les éléments en place. Dans la fameuse photo controversée, les complotistes estiment que comme Buzz Aldrin se trouve du côté sombre de l'alunisseur, il ne devrait pas être aussi visible, car il ne bénéficie pas de la lumière du soleil pour l'éclairer. Mais, avec sa reconstitution, Nvidia démontre que de nombreux éléments sur lesquels la lumière du soleil s'est reflétée ont été suffisants pour éclairer Buzz Aldrin, à commencer par la combinaison de Neil Armstrong, qui s'avère être l'auteur de la photo. En plus de démontrer les performances de sa nouvelle carte graphique, Nvidia en profite pour faire tomber l'un des arguments majeurs de ceux qui considèrent que la mission Apollo 11 n'est qu'une mise en scène de studio. L'envers du décor de cette expérience est détaillé dans une vidéo, encore une fois, sur assemblagerequis.com. Et maintenant, ils ont mis la démonstration complète. Vous pouvez télécharger le logiciel, OK, et l'exécuter sur votre PC, pas juste une vidéo YouTube, là, pour admirer en temps réel les premiers pas de l'homme sur la Lune. Il va falloir quand même disposer de la carte graphique Maxwell, donc la GeForce GTX de la série 900. Mais vous pouvez, genre, ouvrir ça dans un logiciel en temps... C'est vraiment fou, c'est pas une vidéo. Dans le fond, vous avez comme plus de contrôle, je dirais, sur l'avancement, recul, entre... Bref, c'est bon, un coup. Allez voir sur assemblagerequis.com pour les détails. Les détaux, ça vaut le détaux, comme on dit. Microsoft corrige une faille de Windows vieille de 19 ans. une nouvelle qui commence quand même à dater. Évidemment, on fait le tour de ces nouvelles-là une fois par semaine, donc vous me pardonnerez, mais c'est un article de l'agence France Presse que je trouvais intéressant à mentionner. Le groupe informatique américain Microsoft a publié une mise à jour de sécurité remédiant à une faille touchant plusieurs versions de son système d'exploitation Windows et vieille de 19 ans. Microsoft qualifie la faille de critique. Dans un bulletin de sécurité où il explique qu'elle peut permettre à des pirates d'accéder à distance à un ordinateur par le biais de sites Internet conçus à cet effet et auquel l'utilisateur accède avec son navigateur Internet Explorer. Premièrement, honte à vous si vous servez de Internet Explorer, mais bon. Le correctif de sécurité corrige la faille dans plusieurs éditions de Windows Server 2003, 2008 et 2012, Vista, RT 7, 8 et 8.1, détaille Microsoft. L'équipe de chercheurs de IBM qui avait identifié la faille estime dans son blog que toutes les versions de Windows depuis Windows 95 sont affectées et que le morceau de programme, incriminé est au moins vieux de 19 ans et exploitable à distance depuis 18 ans. Les éditions les plus anciennes du système ne sont plus commercialisées et Microsoft n'assure plus de soutien technique, donc ils n'ont pas émis de correction. Par contre, il y a Windows XP qui est encore très utilisé, mais Microsoft ne soutient plus Windows XP, que je sache. Windows qui fait fonctionner environ 90% des ordinateurs dans le monde, c'était assez majeur cette faille-là, mais maintenant c'est corrigé. On reste dans le bloc des nouvelles que vous avez peut-être vues, mais que je vous renseigne parce que c'est des choses intéressantes. Québec qui renonce au point Québec pour économiser 12 millions de dollars. Avez-vous vu ça? Le gouvernement Couillard a décidé de mettre un point final à sa participation à l'aventure du point Québec. Une économie de 12 millions de dollars de fonds publics, selon ce qu'a appris la presse canadienne. Ça signifie donc que Québec renonce à changer d'identité gouvernementale. Ils vont conserver le suffixe .gouv.qc.ca au lieu de migrer vers point Québec. On dit que dans un contexte de compression budgétaire, le coût d'une telle migration web était trop élevé. Elle devait être sans doute reçue comme une douche froide par l'organisme Point Québec, qui milite depuis 2008 pour avoir, finalement, l'adresse Point Québec, pour enfin avoir notre propre identité sur Internet, disent-ils. C'est pas moi qui dis ça. L'organisme sans but lucratif, avait réservé le nom de domaine Point Québec. Québec, voilà. Un suffixe qui fera son entrée, de toute façon, sur le web le 18 novembre, aujourd'hui même. Mais sans l'appui attendu du gouvernement, c'est sûr que c'est vraiment un désavantage assez majeur de ne pas avoir le gouvernement de son bord pour ça. C'est bien triste, mais bon. Vous pouvez lire le reste de l'article sur la rationalisation des dépenses et un paquet d'autres affaires techniques comme ça sur assemblagerequis.com, bien sûr. Ce qu'on appelle le Serious Gaming, connaissez-vous? Ça a de beaux jours devant soi, devant lui-même, le Serious Gaming, le jeu sérieux, bref. C'est le recours à des simulations ayant tout du simple jeu vidéo, mais dans un but professionnel ou encore pire, le marketing. Et bien souvent scientifique. Ici, il est question de préparer le personnel médical devant se rendre dans des centres de soins destinés aux malades infectés par le virus de l'Ebola. Le prototype dont vous pouvez voir à la vidéo sur assemblagerequis.com s'inspire du centre ouvert de Monrovia au Liberia. Non seulement le logiciel s'inspire des lieux, mais il cherche également à reproduire les conditions dans lesquelles le personnel soignant sera amené à travailler, notamment la buée envahissant en permanence la visière des combinaisons de protection, réduisant la visibilité et pouvant provoquer des erreurs de jugement. Le programme vise également à apprendre et à intégrer plus efficacement certaines procédures, des comportements à proscrire ou à éveiller le réflexe de veiller à ce que fait l'équipier avec qui tu travailles, avec lequel le médecin de famille ou l'infirmière, pas de famille, juste le médecin ou l'infirmière travaille, par exemple en incitant le joueur à signaler une combinaison mal assemblée, un habit mal installé sur son corps. Omettre de laver ses gants, répondre à une sollicitation en mettant un genou à terre ou même circuler dans le mauvais sens entre deux tentes sont d'autres pièges tendus à l'utilisateur. Une version du prototype utilisant Kinect sanctionne même le fait de porter la main à son visage en étant devant son écran afin d'en chasser l'habitude particulièrement risquée dans ces conditions-là d'Ebola. C'est vraiment quelque chose de fascinant de voir les jeux vidéo utilisés pour ça. C'est pas la première fois qu'on entend parler de jeux vidéo utilisés dans la médecine, mais pour l'Ebola, c'est quelque chose d'assez particulier. Voilà, ça va être tout pour notre blog Célix d'aujourd'hui. Il y a d'autres nouvelles que je vous laisse aller lire sur assemblagerequis.com par simple manque de temps parce qu'il nous reste une série en concert à faire. Vous le savez depuis, je dirais, peut-être un mois et demi qu'on fait cette série-là. C'est la série Audio Engineering, A Tribute to Sid qu'on s'en va continuer à l'instant. Et aujourd'hui, on est rendu à l'avant-dernier bloc. On va entendre les pièces 8, 9 et 10 de cette compilation. Donc, qui rassemble en fait Ça met en vedette 13 pièces de 12 artistes différents qui réarrangent les chansons de la série de jeux vidéo Final Fantasy. L'album contient aussi des images inspirées par les incarnations de Cid, qui est un personnage fictif récurrent de la série. Ça a été fait par les fans, pour les fans. C'est pas affilié du tout avec la compagnie Square Enix. L'album a pour mission de promouvoir la musique inspirée par les jeux vidéo et des artistes talentueux qui ont participé au projet. On va donc commencer avec l'artiste Tubers McGee. On l'a déjà entendu dans cette compilation-là. Voici Guac, basé sur Sid's Theme Aboard the Hildegard. Tout de suite, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Thank you. l'artiste Amphibious et An Engineers Republic, basé sur The Republic of Bastok de Final Fantasy XI Online. Alors, c'était All Bad Ek Fant par Theory of N, basé sur We Are All Bad de Final Fantasy X. Et au début du bloc, c'était Guok par Tubers McGee, basé sur Aboard the Ildegard Cid's Theme de Final Fantasy IX. Hein? C'est compliqué à votre goût, ça, ouais. C'est sur la compilation Audio Engineering Attribute to Cid que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com. Ça nous amène, pour terminer, quelques petites minutes à la fin de l'émission sont réservées à C'est un fait et Calichon. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est un fait Tech Edition, la chronique dans laquelle on parle de choses qui sont véridiques, véritables et vérifiables. Ici, dans le Mathieu Plancho, c'est surtout sur l'histoire de la technologie en général. Commençons le 10 novembre 1983. Fred Cohen montre une façon d'insérer du code dans une commande Unix pour réussir à prendre le contrôle d'un système. Son conseiller académique, Len Edelman, comparait ça à, dans le fond, ce code-là qui se propageait par lui-même. Il comparait ça à un virus, tu sais. C'était pas le premier code de son genre, mais c'est la première fois qu'on utilisait le mot virus pour ça. En 1983, au Plaza Hotel de New York, Bill Gates annonçait Windows. À l'origine, c'était supposé être nommé Interface Manager, mais ensuite, Roland Hanson a convaincu Gates, il a réussi à le convaincre, Gates, de changer de nom. Ça a pris 2 ans avant que Microsoft sorte Windows sur le grand marché public. En 2001, le premier Apple iPod a été vendu, oui. Les analystes disaient que le prix de $399 était beaucoup trop élevé et qu'Apple avait trop peu d'expérience dans le domaine de l'électronique grand public pour que ce soit un succès. Ah, bien sûr. Le 11 novembre 1930, Albert Einstein et Leo Szilard reçoivent un brevet américain pour un réfrigérateur qui ne demandait pas d'électricité, seulement une source de chaleur. Ensuite, Electrolux a racheté les brevets. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça depuis, donc j'imagine que c'est mort. En 2006, la Sony PlayStation 3 a été vendue pour la première fois avec un lecteur Blu-ray intégré et un disque dur. Le 12 novembre 1946, l'armée américaine a tenu un concours où un abac, c'est le abacus, ce truc pour calculer à la main, donc utilisé par Kiyoshi Matsusaki du Japon. Donc ils ont fait s'affronter ça avec une calculatrice électrique opérée par le private Thomas Nathan Wood. C'est l'abac qui a gagné 4-1. En 1990, Tim Berners-Lee publiait une proposition formelle pour un projet nommé Hypertexte, en fait, un projet d'hypertexte. La proposition faisait référence à un furteur, un browser. Le projet plus tard est devenu ce qu'on appelle maintenant le World Wide Web. Le 13 novembre 1982, Scott Safran, 15 ans, de Cherry Hill, New Jersey, a établi le record pour le meilleur score, le meilleur pointage dans le jeu vidéo Asteroids. Donc son record a tenu pendant 27 ans. C'est le plus long score de jeux vidéo de l'histoire des jeux vidéo. C'est sur donc le jeu Asteroids. Le 14 novembre 1922, la BBC a envoyé sa première transmission quotidienne de sa station 2LO à Markney House, à Londres. Arthur Burroughs, le premier directeur des programmes, a lu le premier bulletin de nouvelles. Donc, c'était en 1922. Le 15 novembre 1926, la National Broadcasting Company, donc NBC, a ouvert son réseau de stations de radio avec 24 stations. C'était une création conjointe de RCA, General Electric et Westinghouse. En 2001, Microsoft entre dans la guerre des consoles de jeux vidéo avec la première Xbox mise en vente en Amérique du Nord. Microsoft jouait donc contre la PlayStation 2 de Sony 3 jours. Avant la sortie de la Nintendo GameCube. Et finalement, en 2013, pour cette journée-là, la Sony PlayStation 4 est sortie dans un grand événement à New York. Sony avait loué le Standard Hotel au complet. Donc ça, c'était l'année dernière, en 2013. Et finalement, le 16 novembre, en 2000... L'ICANN, qui est l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, a annoncé sa décision d'inclure 7 nouveaux top-level domains, ce qu'on appelle des TLD. Donc, c'est les points quelque chose sur Internet. Ça a donné naissance aux points aero, point biz, point coop, point info, point museum, point name et point pro. Il y en a certains qui sont utilisés plus que d'autres dans cette liste-là. Voilà pour C'est un fait, Tech Edition. C'est tout. On fait ça en fin d'émission habituellement au Mathieu Plante Show.